slutet av Instant Classic. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 3 février 2014. De l'info sur le grand match, le grand jeu, la grande partie, le super quelque chose. Bonjour, bienvenue à la grande émission, le beau programme, le magnifique plan. T'sais, assemblage requis, c'est ça? Oui. Oui, mais copyright. Donc, il y a juste nous qui a le droit de dire assemblage requis, les autres doivent dire la belle grande émission. Ah, OK. C'est comme le Super Bowl, t'as pas vu les publicités de chips, etc., des épiceries pour le grand match. Et au milieu de l'émission, Bruno Mars en spectacle. Oh, wow! Non, non, on peut pas se permettre Bruno Mars, donc on a acheté son CD. Son CD? On a copié. On a YouTube ici et on oui. pense ça. Non, en remplacement de Bruno Mars, ça va être Danny Janvier. Ah! Janvier, mars. Oui, je la pogne. OK, merci. T'as vu comment tes blagues me rentrent dans la tête? Ben c'est ça, c'est le but. Tu sais, c'est, oui. Je suis vraiment un petit ver de terre. Ouais. Mais j'ai hein, dans le... une blague de... une blague d'autre gens. Dans le sens qu'il bègue, lui. Ouais. On dirait que le mois de janvier est tellement long. Je sais pas pourquoi. Pourtant, on travaille moins parce qu'on commence un petit peu plus tard. Tu sais, maintenant. Ben, c'est dur. Il faut reprendre le bide après les vacances. C'est ça. Mais égal, le mois de février va passer de demain. Vite, vite, vite, vite, vite. Là, on ferme les yeux. Bonjour, bienvenue en ce 2 mars 2014. Wow, ça a passé si vite! Poisson d'avril! C'est dans les coulisses de la Luître. Ouais. Oui, on parle de la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Et aujourd'hui, on reçoit Jean-Philippe Charbonneau, qui est un spectateur de la Luître. Salut! Salut, ça va bien? Oui, ça va. Yeah. Donc, j'ai plein de questions à te poser. Là. Premièrement, décris-nous ton rôle dans la Luître cette année. J'assiste, je ris et je vote. Les trois, là? Oui. T'assistes, tu ris, tu votes, mais dans cet ordre-là. Tout le temps. Donc, mon rituel un peu, si je peux développer un peu. Tu pourrais même dire ton rituel. Mon rituel, wow! Tu pourrais dire ça, c'est bon, ça. Est-ce que tu manges des ailes de poulet, des fois, Mathieu, chez toi? Oui. Moi, mon chat capote quand je mange des ailes de poulet, il devient fou. Ah, oh, sans blague. Oui, puis après ça, ben il fait des trous dans les poubelles. Oh. Je suis obligé de mettre quelque chose de lourd sur la poubelle pour pas qu'il fouille dedans. Aïe, aïe. Parce qu'il est capable de l'ouvrir pour aller chercher des ailes de poulet. Mais c'est vrai qu'on sait pas si c'est des ailes de poulet, ça pourrait être des petites souris, ça pourrait être ça. On sait pas avec de la viande, il y a de, ouais, de la viande. L'important, c'est que ça soit bon. Mais c'est... sexy mathématiques. Oui, c'est très sexy pour le matin comme ça aussitôt. Oui, je me disais pas ça au primaire. Mais... que les mathématiques, oui, c'était tight. C'est vrai, hein? Mais t'as des belles petites mathématiques. Ah oui? À ta professeure, sûrement. J'ai un beau 8 comme des fesses. Voilà. T'as pas une tue? Oui, oui, oui, oui, oui. Il y a environ 1000 euphémismes reconnus pour le mot, pour l'entregent féminin, en fait, dans la langue anglaise. Donc, 1000 façons de dire vache. Ah, wow! C'est beau. Les voici en rafale. C'est ça, il défile en bas de l'écran. Balladeur, Life Like This. Très courte, mais très efficace pièce de cette formation qu'on appelle Balladeur. Oui, c'est très bon. Oui, j'écoute ça tout le temps dans mon Balladeur. Oui, dans mon Balladeur. Pas pire. Ouais, c'était facile aussi. Mais c'est de mon calibre ce matin, ça. C'est les Lions de Cannes qui étaient présentés à la salle Louis Antonio Thompson. Louis Antonio. C'est ça. J. Antonio Thompson. J. Antonio. Louis Antonio. Je pensais à Louis Vuitton. C'est comme Louis G. Oui, c'est ça. Louis G. Antonio Thompson. Thompson. Non, moi, je sais pas pourquoi j'ai dit Louis. Radical Face. Assemblage requis. T'as-tu vu ma face, comment elle est radicale? Ouais, rad. C'est une face de radis. Ah! Ouais, comme Stéphanie, mais elle, c'est pas un radis. Stéphanie, paradis. Mais c'est pas elle qu'on reçoit. Ouais, non, merci. On fait une petite édition spéciale corps humain, là, quelques petites affaires là-dedans, rien de bien, bien compliqué. Donc, on va faire ça dans quelques instants. Un spécial corps humain? Ouais. Faut-tu qu'on se touche? Oh, ben ça, c'est ce selon. C'est au goût. Au goût? Oui. C'est bon. Au goût. Mmh. C'est comme un grand serpent là, qui sort de l'eau. Là. C'est super asiatique, tout ça, en arrière. Non, une grosse anguille à œil. Ouais. Ouais, c'est aussi le nom qu'on avait pensé à l'émission Grosse anguille à œil. Mais on a appelé ça l'assemblage requis, finalement. Bon retour, vous êtes toujours à Grosse anguille avec œil. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Je suis pas sûr d'avoir retenu comme faux. Bon retour à toi aussi, Stéphanie Paradis. Et le pièce souris, je suis mal à l'aise. Non, mais c'est drôle, Grosse anguille avec œil. Juste un œil, ça. C'est comme Bob avec cheveux. Ah oui! Je me suis tellement trouvé conne hier. Ah, tu sais, dis-moi en plus, je veux te trouver conne. Tu sais, quand j'ai sorti une tôle du four avec des patates là, que je m'étais faite, puis là, ben, tu sais, je prends les patates, là, j'y mets dans les assiettes. Puis là, j'étais comme pressée, puis je prends la tôle, puis je la lâche à terre parce que j'ai oublié de me mettre des mitaines de four, puis je me suis brûlé les mains parce que j'ai pris la tôle qui sortait du four avec mes mains. Comme une grosse conne. C'est toi des plantes à la maison? Non. Moi, il meurt. Moi, j'ai des plantes à la maison. Moi-même! Mathieu Plante, on a... Non. Donc, est-ce que ta blonde t'arrose? Non, c'est moi qui m'arrose tout seul. Hein, ça a l'air drôlement sexuel, mais ça en l'aide vraiment. Il lève une grosse roche aussi. A big rock? Une grosse roche. Yeah. Tu sais que c'est une ville au Bas-Saint-Laurent, grosse roche. Ah, sans blague. Sans blague. Il y a aussi... mais dis-moi plus. Il y a aussi un gros groupe de musique, là, roche. Big rush. Tu peux transporter les 5-6 membres. Je sais pas combien il y a de membres dans roche, puis je m'en sac vraiment fort. Mais tu peux les transporter avec ça. C'est super le... OK, on arrête avec cette blague-là. C'est passé, le moment est passé. C'était bon, on l'a vécu ensemble. On a donc du fun le matin. C'est bizarre parce qu'on est tout seul. Pas de chroniqueur. Et on s'amuse. C'est bizarre qu'on ait du fun quand même tous les deux. Oui, non, mais d'habitude, on a plus de fun avec des chroniqueurs. On a moins quand on est seul, non? Ça dépend, c'est qui le chroniqueur? Eh, voilà. Si vous vous sentez visé, c'est... En tout cas, une ville en Autruche qui s'appelle... En Autruche. OK. En Autruche, aïe, aïe. Le pays. C'est le pays d'Autruche. J'aime aussi quand je dis le pays de la dinde, c'est la Turquie. Je trouve ça bien, bien drôle, la dinde, moi. Bon. Moi, j'aime bien quand je fais à souper, je fais tout le temps ça dans un poulet. Hein? Dans un chicken. Dans un kitchen. C'est une blague de kitchen chicken? Ah, c'est très drôle, par exemple. Ben, c'est pas drôle. Non, c'est cocasse, par contre. C'est sympathique, je dirais. C'est un certain charme. Ça te donne du charme. On va faire la bouffe de la semaine à 9h. C'est ta chronique culinaire, alimentaire et nourriturisque. Ben, culinaire, j'ai rien cuisiné. Non! Non. Ben, ouvrir le sac et brasser quelque chose, brasser un pot, brasser... Ah, OK, ce que j'avais oublié, c'était quoi ta conception de cuisiner? Faut se descendre à mon niveau quand on parle. Je suis vraiment désolée, j'avais passé à autre chose. Faut vraiment que tu y ailles de façon symétrique, parce que sinon, tu vas te retrouver avec un gilet tout croche. Donc, avec parsymétrique money. Exactement! La pièce « Going with you » de Sebastian Granger, moi, j'irais jusqu'à dire que cet homme a des idées de grandeur. Des idées de grandeur, c'est Isabelle Rasco, ça, c'est... Les idées de Granger. Mais non, c'était donc des références étranges ce matin. Canal Vie, man. Ouais, je sais, mais pour toi, ça ne fit pas. C'est la vie. Donc, Félix Couillard pourrait siéger en tout et partout 6 jours à l'Assemblée nationale. Donc, en 6 jours, il faut que tu voles la vedette. Il faut que tu attires les foules vers toi. Il faut que tu montres que tu es capable, que tu es un chef. Faut que tu fasses quasiment un coup d'État ou, dans son cas, un couille d'État. Mais le juge Charbonneau a dit qu'elle commencerait bientôt l'intimidation sur les chantiers. Chantièrement en désaccord avec ça. Chantièrement. Chantier. Ouais, ouais. J'essayais. Tu sais, c'est les réseaux sociaux et Facebook, on est habitué de se masquer derrière une personnalité, derrière un avatar. Ouais. Un avatar ou un avatardé. Excuse-moi, c'est pas politiquement correct du tout. Ah, vas-y. C'est un blague qui fitait bien ensemble, je trouvais que ça n'avait pas le choix de... Clink, clink. To put together. Put together, put your hands together for we're coming back after the break. C'était les instants classiques d'Assemblage Requis pour la semaine du 3 février 2014. Hey, hey! Qu'est-ce qu'on en pense? C'était pas pur, d'accord. C'est bon. Est-ce qu'on en pense? Ben, je sais pas, là. Il y avait des affaires quand même mémorables là-dedans, tu sais. L'Autruche. L'Autruche, évidemment. Le pays. Oui. Non, mais je vais-tu t'écœurer longtemps avec ça, tu penses? Ben, c'est ça. Aussitôt que je l'ai dit, ça paraissait dans ma face à la radio que le gars, il s'est rendu compte de son erreur assez rapidement, tu sais. Ah, c'était bon. C'était très, très beau. Donc, voilà. T'as déjà mangé ça de l'autruche, toi? Non. Des œufs d'autruche non plus? Non des œufs? Ça se fait, c'est des gros œufs d'autruche. Bon, et d'après moi, t'en manges un, puis c'est en masse. C'est ça. Tu sais. Faudrait que j'y pense, ma chronique de bouffe. La bouffe de la semaine, les jeudis matins à 9h. Un steak d'autruche. Pour vrai, là. Ça se mange ça en steak. Ça doit être une viande rouge. J'ai comme plein d'interrogations présentement sur l'autruche. Je sais que ça vole pas, une autruche. C'est tout ce que je sais pas mal sur l'autruche. C'est très gros. Mais ça court en tas. Et quand même, oui. Pour ceux qui ont fait un personnage dans Donkey Kong Country, que c'est une autruche qui court vite. Puis elle s'appelle Espresso. Puis Expresso, Expresso. Et hot. Et vraiment, toi. Mais moi, mon préféré, c'est On Garde. Oui, ils ramènent jamais. Là, ils font un nouveau Donkey Kong Country et Tropical Freeze là, qui sort sur la Wii U dans le 21. Vas-tu avoir en garde? Non, il y a juste Rambi encore, le rhinocéros. Voyons, Calvinouche. Il y a aussi Squawk, le petit oiseau, mais il sert quasiment à rien dans le jeu. Ah, puis lui, quand il lance des noix, il fait comme. Oui, c'est ça. Mais c'est le fun, mais il ramène, mais pas pour ça. Il le ramène pour te faire trouver des morceaux de puzzle. Il est plat. Tu voles plus avec. Bref, sur cette conversation au geek, écoutez donc Assemblage Rocky. Du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Il y a aussi les meilleurs moments les vendredis matin à 7h et les samedis à midi. C'est combiné des meilleurs moments avec le dîner de con et Assemblage Rocky. C'est comme un combiné de viande froide. Subway, mais chaude, ça? Oui. Non, ben oui. Ouais, ben je le prends jamais. Je trouve ça plate des viandes froides. Ah, mais c'est pourtant le sandwich que mon chum prend à chaque fois, combiné de viande froide. Je trouve ça basic. C'est comme je pourrais me faire ça chez nous, ça. C'est ça, je me dis. Ouais, en tout cas. Hey, j'aimerais compléter sur Donkey Kong, si ça te dérange pas. Moi, je continuerai toute la journée. Taxi payant, okay. Cette semaine. Arrête donc. Une question. Ben non. Le petit singe qui accompagne Donkey Kong. Cool. Mais c'est parce que la fille dit à l'autre fille, « Hey, c'est une question pour toi, toi t'es geek, tu devrais le savoir. » Puis elle l'a pas eu. Fucking loser! Ben là, je suis comme, « Non, elle est pas geek. » Si t'es minimalement geek, tu connais Diddy Kong. Et wannabe geek, pas mal, je trouve. Pas pire wannabe. Pas pire, hein? Non, mais tu sais, c'est même pas une geekette en devenir, c'est juste une wannabe geek. If you wanna be my girlfriend, you gotta get with my friend. Qu'est-ce que c'est, gars? C'est comme ils disent, les Spice Girls.